On va parler de hockey scolaire avec notre ami Simon Gaudreau, les Aigles de Roberval qui ont commencé leur saison régulière dans les trois équipes. Salut Simon! Salut Simon! Salut Danny! Simon, est-ce que d'abord on va commencer en fin de semaine, c'était trois matchs pour votre équipe. Au niveau cadet, belle victoire de 4-0 contre Saint-Georges. Ouais, victoire de 4-0 contre Saint-Georges là, à domicile vendredi, puis... On jouait le lendemain soir, contre le séminaire Saint-François à Québec. OK. Une victoire de 3-1 là, du côté cadet. OK. Au niveau Benjamin, ça a été une défaite de 3-1 contre le SSF. Oui, défaite là, de 3-1. Je dirais là, que c'était le premier voyage de nos Benjamins sur la route. C'est la première fois qu'ils faisaient un petit 3 heures de route. Là. On en a parlé un petit peu l'année passée aussi. Là. Mais j'ai trouvé que ça sont vraiment bien comportés. C'est un des meilleurs matchs de la saison. Oui, une défaite, mais on s'est fait marquer. Là, on avait 13 secondes de fait. On a répliqué un petit peu plus tard. C'était 1 à 1 pendant un certain temps. 2 à 1. Puis, dans le fond, un but dans un filet désert à la fin. Là, donc, c'est un match, là, un des très bons matchs point de vue travail, éthique de travail là, de nos Benjamins là, sur la route. Là, OK. Et au niveau maintenant, au niveau cadet également, juvénile, oui, défaite de 6-2 contre Saint-Georges également. Saint-Georges, ouais, c'est la première année, hein, ça, que l'année passée, il n'y avait pas d'équipe, ça se peut-tu? Non, ils jouaient aussi, ils sont venus, on est allés. Okay. On les affrontait moins souvent l'an dernier. Là. Cette année, il y a plus d'équipes, donc on les affronte encore moins souvent. C'est juste que là, ça tombe qu'on les affronte en début d'année. OK. OK. Donc, il y a combien plus d'équipes? Donc, tu es en train de me dire qu'il y a eu de l'expansion dans la ligue? Cadet des deux, on est 33 équipes totales. Donc, il y a eu de l'expansion dans le secteur Québec. OK. Assurément. Puis, il y a quelques-unes dans le côté Montréal. Puis, je vais dire la même chose. Mais il n'y a pas vraiment eu d'expansion, par contre, en Division 1 dans les trois catégories. Là, il y a eu une équipe de plus là, en Benjamin Division 1 à Pointe-Lévis. Là. Je pense que c'est une des seules là, qui s'est greffée là, au réseau des 24 qu'il y avait déjà. Là. OK. Donc, ça fait pas mal d'équipes. En fin de semaine, il se passe quoi? En fin de semaine, demain, nos Benjamins sont à Cardinal-Roy. OK. En après-midi. Samedi, un match, là, gros match avec une bonne opposition pour nos cadets à l'école de la Seigneurie à Québec. En même temps, là, à Roberval, nos juvéniles vont jouer contre l'école Samuel de Champlain. Et puis, lundi, là, lors de la journée de la fête du travail, l'Action de grâce, le cadet et les juvéniles vont jouer à Cardinal-Roy, là-bas à Québec. OK. Donc, deux matchs pour nos cadets, un pour le Benjamin, puis deux pour le juvénile. Puis la semaine prochaine, le vendredi, là, on commence nos matchs là, hors territoire, bien, partout sur le territoire. Nos juvéniles vont jouer vendredi soir prochain à Saint-Félicien dans le secteur de la commission scolaire contre le Bleu et Or d'Arvida. OK. Puis ici à Dolbeau, il va-t-il y avoir des matchs bientôt? T'as-tu quelque chose de... Oui, on va avoir un match à Dolbeau en cadet, mais je crois, là, de mémoire, c'est au mois de février. Okay. Donc, le secteur Dolbeau en cadet, c'est au mois de février. OK. Ben Simon, ça fait pas mal de tour pour cette semaine. On s'en parle jeudi prochain. Ça marche. Commentaire de Simon Gaudreau des Aigles d'Orbeval.